dans la prochaine édition d'Assemblage Requis. Une chronique thématique, ton plat favori sur l'Angleterre. Des choses beaucoup trop geeks dans la chronique CNX. Et les sorties spectacles comme à l'habitude. Assemblage Requis, jeudi 15h au samedi 16h, comme d'habitude.